Vous savez que je prépare ma propre bière, que j'embouteille et que je déguste ces élixirs depuis bientôt un an et demi. Et j'en ai placé une là, j'en ai bouché, hein, j'en ai bouché une là. Ben une série, pas juste, hein, parce que sinon ça fait quoi? 21 litres, Tamarin Twin, une bouteille de 21 litres, mon Gaétan, c'est impossible. Ah non, non, j'ai essayé de le commander sur bébé là. Non, pas Brigitte. Non, non, non, non, non, ni Brigitte. Non, non, non, non, pas Bardot, puis pas Boucher, là. Ouais. Et puis, ça n'existe pas, mais il y a toujours du monde hein, pour faire de l'argent qui serait prêt à en fabriquer une. Mais le problème, c'est le coût du transport. Alors, ma bière que j'ai embouteillée, je l'ai appelée Panique médiatique. Ah, ben oui. Elle aussi me saoule. Aujourd'hui, le lundi 20 juillet 2020, monte le volume là et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul! Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme, sur le cul! Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient, puis se reposaient, s'envolaient. Comme hier d'ailleurs, puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sous le cul. C'est pas de moi, c'est de mon ami Bertrand Belin. La chanson s'appelle, ou le texte s'intitule Sur le cul. J'adore l'univers de Belin. Belin adore mon univers. On s'adore. On est de même. On est dans l'adoration. En parlant d'adoration. Il y avait un homme ce matin, comme hier, d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul. Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme. Sur le cul. Comme hier d'ailleurs. il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes. Sur le cul des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Puis se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs, puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul . Je sais pas si vous êtes en vacances, les 3 mois de vacances là, puis retourner en vacances encore là. Trouvez-vous pas que c'est de l'exagération, ça, madame chose, là? Ceux qui étaient au service essentiel pendant toute cette période charnière, on était là, fidèles, comme hier encore, et plus que demain, nous franchissions avec beaucoup de difficultés des jours, des semaines, et des mois indescriptibles. Ben, comment ça, là? Tu poursuis le discours, c'est indescriptible. Ben, c'est une expression indescriptible. On peut le décrire, on peut, mais il n'y aura jamais assez de mots pour représenter la situation. Il n'y a pas assez de mots. Combien il y a de mots dans le dictionnaire juste francophone? On ne parlera pas des dictionnaires hispanophones. Le téléphone, c'est beaucoup de... Combien de mots, le téléphone? Ben, les gens là, ça fait... Mais c'est pas un mot, ça, c'est un onomatopée. Puis si tu reçois un coup de téléphone, ça fait pas partie là, de la diégèse de ce livre fabuleux qui s'appelle le dictionnaire. Aimez-vous ça, le dictionnaire, vous? Ouais? L'ouvrez-vous souvent? Avant de l'ouvrir, en avez-vous un? La dernière fois, moi, que j'ai vu un dictionnaire, c'est parce qu'on m'en a balancé un coup. Mais là, un méchant coup, c'était ma charmante épouse, qui est toujours mon épouse. Alors, je n'ai pas voulu changer la donne. Là. C'est une violente, elle, mais c'est très passager. Puis on le sait à quel moment elle va te frapper. Son nez commence à titiller. Et ça veut dire « va-t'en, ne reste pas devant elle ». Sinon, elle va prendre tout ce qui se trouve à côté d'elle, puis elle va te le tirer. Ah, j'ai reçu des cuillères. Non, pas de couteau encore. Ah, non. Ouais, j'ai reçu de la fourchette, moi. Mais de la fourchette six dents. T'as jamais vu ça, toi? Mais une fourche, à combien de dents? Une fourche, à 3 fourches. Ah, 3 fourches, à 3 dents. Une fourche, 3. Et c'est ça, là, c'est pour les gens qui ont une bonne fourchette. Tu sais, quand tu dis « moi, j'ai une bonne fourchette », c'est parce qu'elle est plus grosse que la norme. Elle pique davantage quand tu le reçois dans le front et elle se l'enlève, ça fait, ben oui, 6 petites marques et ça coule. Je vous dirai pas qu'est-ce qui coule, là. À haute imagination, qu'est-ce qui peut couler, voyons, non, d'un front d'un blessé? Non, moi, il n'y a pas de sang, j'étais un vampire, vous saviez pas ça? J'ai même un client qui m'avait surnommé le vampire parce que je travaillais de nuit. Je le voyais des fois là avant de terminer. Bon, on va aller me coucher dans mon tombeau. et l'image est restée. À chaque fois que je parle, là, il est rendu à lui, ce gars-là, là, c'est la version punk, tu sais, c'est un vieux punk. Mais il a commencé avec Sobe Human, puis il a des amis dans le milieu punk, dans l'univers underground. Il travaillait longtemps dans un hôtel, et par la suite, ben, il s'est recyclé. Il était aussi, après ça, il a fait camionneur. Il a déplacé, lui, le bonhomme carnaval pendant les festivités, cette année, c'est pas l'année dernière, c'est cette année. Et puis, il a pris des photos avec... des positions bizarres avec Bonhomme Carnaval. Je pense qu'il y a une intimité... faudrait que je lui demande, hein. Quelle liaison ont-ils ensemble? Puis le Bonhomme Carnaval devant lui, là, est-ce qu'il s'est mis à fondre? Parce que c'est un être tellement attachant. T'attachant de même, là, t'as envie de l'attacher pour pas qu'il te suive. C'est un colleux, puis même, je suis sûr qu'il a déjà fait, livré chez lui, comment tu peux le dire, avec les mots du dictionnaire, oui, je sais, on a quand même un suivi, hein, on parlait de dictionnaire, non, mais il est collant, même velcro, c'est un velcro, puis là, si tu veux pas qu'il te suive, tu l'attaches. Il aime bien ça. Faire le chien, il lève la patte, il se couche sur le ventre, il veut qu'on... Ring, ring, ring, ring, tu sais, on y flatte la bédaine, là. Ah, mais non, il a jamais été marié, ce gars-là. Là. C'est un anarchiste. Un anarchiste là, du plus beau niveau qu'il soit. Franke von Kujon spiel von Speyer ein Spielen, Franken spulen, Franken einen steigen, einen frommen Poirier schneiden, ist ein Fleig Moron! Axel von, l'auditoire m'a téléphone. Drôlé, premier appel. Ça doit être un prix Nobel. Un brain, une sommité. Un chirurgien as du scalpel. Hello? Ouais, c'est toi ça, mon nom? Ouais. Pourquoi t'es un assistant fuck, oui? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, j'abaisse mes défenses. Je me rends à l'évidence. Je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les M. Comme dans R comme l'examen pas faisable. Le profil chien, c'est pas comprenable. Je chante pour les M-O-R-O-N avec un réseau pluriel. Je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je ne chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentales. Je pour des hits pour des tweets. Je joue de la basse pour les derniers de classe. Mais t'inquiète, pour les petits moments, oui, je chante. Pour les morts, je suis considérablement et irrémédiablement cool. Oh yeah! Jetez l'encre, voici l'île des cancres. Voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on n'en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les humains théâtres. Voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez les apamés devant nos pets, pis nos rottes. Ici, on va pouvoir enfin écouler notre camelotte. Gardez gargouiller les plus immondes, les sonorités les plus brunes passent sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust dans les coquilles vides sur lesquelles je veux pas. Ah oui, je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je ne chante pas pour les molles qui sont bonnes à l'école et qui portent des l'épaule de ceux qui portent des bonnets d'âne. La reine Elisabeth, les analphabètes, le héros de ceux qui ont zéro, l'ayatollah de ceux qui catchent pas, le messie de ceux qui ont pas compris, le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui collent, qui ont du drop, qui redoblent et qui n'ont pas inventé la poudre. Oui, je chante pour les moraux, je chante pour les corps. Je suis considérablement et irrémédiablement court. T'as un gars là, c'est écrit dans son front nuit. C'est un gars de nuit, c'est un vrai, un underground. Et puis, je sais même pas pourquoi je parle de lui. Il parle-tu de moi, lui? Peut-être pas. Ben, ouais. En mal, j'espère. Ouais, parce que comme ça, il va me lâcher. Hey, si il t'aime, si ce bonhomme le t'aime, là, tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Il va t'appeler continuellement. Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe de beau? Ben là, tu m'as appelé il y a 5 minutes, là. Ça va bien? J'étais avec ma charmante épouse qui se prépare à me tirer le dictionnaire des onomatopées. C'est un nouveau dictionnaire, là. Elle veut juste savoir quand on le reçoit si ça fait mal. Moi, j'ai dit, et je le redis, ça dépend de la jaquette. Pas de la jaquette de ta femme, la jaquette du livre. Parce que elle, mieux vaut qu'elle en ait une, hein? Pas de jaquette, là, c'est plus beau, là. C'est déjà pas beau avec, là, imagine-toi ça. C'est une des seules femmes où tu dis habille-toi. Montre-moi pas ça, là. J'ai rien fait de mal. Tu veux-tu que je sois aveugle à 42 ans? Rhabille ça. Tu veux avoir une toile? On va te mettre une toile dessus. Voyons, là, James Brown. Hein, James Brown? Le chanteur James Brown. Celui qui a popularisé la chanson. Eh bien, il fait du Il n'a jamais parti avec ça. Le blues. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Freaky diggy. Yeah. Get up. Get up. Get up. Get up. Build the sea. Get up. I like to set the sheet. Gotta go back! Quand il est mort, ben, il est mort, hein? Quand tu meurs, tu meurs. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne vit plus, c'est qu'on ne respire plus. Mais amène-moi dans une poubelle. Ne prenez pas la plus belle. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on est mort, c'est... Ça, c'est ma chorale. Aimez-vous ça? C'est particulier, hein? c'est entre la beauté et la frayeur. C'est un peu... Moi, je me nomme et je me prénomme. Réré l'aventurier, pour vous desservir et vous faire pleurer. Invitant Popperman. Et que la suite nous emporte un peu partout, mais surtout vers là. Parce que si tu vas de l'autre côté, tu vas te perdre, t'as de la misère. Toi, t'as pas le GPS. T'as jamais eu le GPS. Avant le GPS, là, t'étais déjà un mêleux-né. T'étais quand même... T'avais une complexité interne, cervicale, anormalement intense. Anormalement, là, tu sais, c'est l'échelle supérieure. C'est ce qui fait peur, l'échelle supérieure. Plus tu montes, plus la chute sera douloureuse. Oh, aïe, aïe. Moi, là, quand je monte sur l'échelle de richetaire, de réfrigérateur à terre, moi, je commence à monter à terre. Comme ça, si ça flanche, ben, je serai déjà dans la position où le sol m'accueillera. Pas fou, hein? Non, mais j'ai l'air d'un imbécile, madame. Mais si un jour on se connaît, vous allez vous dire, hey, il a raison, c'est plus qu'un imbécile. Oh. Il sait qu'il n'est plus sa garantie, il peut exagérer, on ne le retourne plus au magasin, il n'y a personne qui en veut. Personne ne veut du affaire là, voyons donc, toi. Tu le regardes et il dit, oh, qui dit oui, qui dit non. Il sait pas choisir, il dit oui, il dit non. Et puis, qui l'attend, qui dit oui, qui dit non. Hey, là, tu veux savoir qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu l'appelles, cet insignifiant-là. Tu lui dis, salut Renal. Il va te répondre, allô? Pas pire, là. Déjà là, c'est dans la normalité. Tu lui demandes. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Mais rien. Moi, j'ai même pas prévu de passer la soirée avec toi. Hein? Ben, écoute, là, moi, j'ai une liste, là. OK? J'ai tellement de rencontres, là, que quand je l'ai faite, cette. Par exemple, là, on va te donner un exemple, c'est moins compliqué. Là, je sais que t'es perdu, je te vois, la petite pupille, là, qui. J'ai peur, là. Vas-tu me tirer quelque chose? La petite. Ça, c'est comme ma femme, là. Là, quand son œil clignote, quelques secondes après, sa tête tourne. Comme Blair, Linda Blair, dans Ésotérisme expérimental. Non, c'est pas ça. C'est dans le film Exorciste. Elle se prépare à faire un 360. Puis ça, c'est pas la split. Ah non, non. 360, la tête tourne. Oui, allô? C'est ma tête, ça tourne. Ça tombe bien, c'est comme... Ça tourne. Tout tourne. Alors, quand tu vois que la pupille commence à titiller, tu te garoches vers nulle part, tu sais. Tu t'en vas partout, mais loin d'elle. Parce que là, après, la deuxième affaire, c'est Linda Blair, là, a fait sa rotation 360 degrés. Qu'est-ce que je vais prendre pour tirer? C'est là que la peur débute. Tu souhaites que ce soit quelque chose d'anodin. Anodin. Pas que ça veut dire, là, mais pas lourd. T'sais, pas lourd à recevoir, pas lourd à... Peut-être si elle peut prendre l'oreiller, puis la mordre, pour la première fois de sa vie. Pas moi qui va faire mordre l'oreiller, moi, là. Monsieur de monsieur. Moi, là, pour pas mordre personne, j'ai décidé de me faire enlever toutes les dents. Et puis, j'alterne, hein, prothèse d'en haut, prothèse d'en bas. Fait que si je mords, je mords juste vers, hein, c'est dépendant du haut du bas. Donc, ça fait pas mal parce que la gencive va éliminer la douleur. Je peux pas faire mal à personne, moi, là. Je suis pas là pour faire mal au monde, là. J'essaye de créer le bonheur. Comment tu crées le bonheur? Sais-tu comment créer le bonheur, toi? Il n'y a pas de manuel là-dessus, là. Il n'y a pas d'instruction. Il y a de la destruction. Destruction! La connais-tu, celle-là? De Ruine Babine, le chanteur Ruine Babine. Il s'en est-tu? Hey, lui, là, il s'est fait installer 4 cordes vocales depuis le début de sa vie. Il est rendu à quoi? Il y a quel âge, ce bonhomme-là? Là? C'est un chanteur. C'est pas un chanteur, c'est un chanteur. Compositeur, interprète. Joue de la basse. Monte vers la haute. Pas la guitare. La musique à mouche, là, il vient parce que, bon, je suis sûr qu'il a copié sur moi. Il est pas capable d'être autonome, lui. Il dit, Rénal joue de la musique à mouche. Moi, jouer de la musique à mouche. Mais lui, ce qu'il savait pas, c'est qu'en prenant l'instrument, il allait avoir des mouches à marre d'auto. Ben de mouches à marre. On appelle ça son public. C'est ben de la mouche à marre. Et puis, ben, il aime ça, lui. Et lui, il fait une fixation sur la merde. Pas de sa faute. Mais là, depuis quelque temps, il a évolué. Il nous lâche un peu avec sa marde. Mais il a été longtemps là, à parler de marde, à parler de mal. Ça fait à peu près... C'est même pas une blague, là. J'ai changé son nom. Moi, vous le dire, ça me dérange pas. C'est Serge Robert, mon oncle Serge. Il parle de marde. Son intérêt, c'est la marde. Ça, c'était... Il a comme, lui, des fixations. Après ça, il lâche ça pour autre chose. Je l'ai vu! De mes yeux vus, je l'ai applaudi, j'ai tout postillonné dessus. Il était gêné. Je vais vous expliquer. Samedi, en début juillet, le premier samedi du mois de juillet, je décide. Est-ce que je peux. Oui, j'ai. Il fait tellement chaud ici, là. Je me suis acheté un verre d'eau avec la glace. Non, mais je me suis fait, je sais pas pourquoi j'ai dû acheter. Je me suis préparé un verre d'eau avec la glace. Avec ben de la glace. Parce que plus il fait chaud, plus la glace fond. Moi, c'est ça, là. Moi, je sais, hey, ça vient de mon véhicule perso, moi, là. Perso. Pas percé, perso. Comme Sophie Perceau. Connaissez-vous la belle Sophie Perceau? Ah, jouer dans la boum. Ah, pas de boum après ça. Rentre dans la boum. Sors de la boum. Bam, bam, bim, bam, boum. Bam, bam, bim, bam, bim, bam, boum. Bam, bam, bim, bim, boum. Qui font chanter tous les Raffman? Qui font chanter tous les Raffman? Qui fait chanter les Raffman? Bam, bam, bim, bim, bim, bam. J'aime pas cet écho-là, moi. Hein? Ah! Ah, je préfère celui-là. On dirait que je suis coincé dans une toilette. On parlera de mon oncle Serge. Qui font chanter tous les Rothman? Qui font chanter tous les Rothman? Qui? Ah, ça, c'est un peu comme mes hauts penchés, hein? Ça fait un peu comme la boxe. Bing, bing, bing, bing, bang. Là, yous qui sont tous les Raffman. Là, yous qui sont tous les Raffman. Dans les champs qui sont montés. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bang sur la ring, bing, bang. Et par Bytown, ils sont passés. Et par Bytown, ils sont passés. Les pokken beans, ils ont mangé. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Rothman, bang, la ring, bing, bang. Le géant Joe perd à s'assier. Le géant Joe perd à signe le plafond de ses bottes cloutées. Bing, sous la ring, bang, sous la ring. Laissez passer les Rothman, bang, sous la ring, bing, bang. Sur l'Ottawa s'en vont danser. Sur l'Ottawa s'en vont danser. Jusqu'au moulin de front drapé. Bing, sous la ring, bang, sous la ring. Laissez passer les Rothman, bang sur la ring, bing, bang. Hawkesbury s'en sont allés. À Hawkesbury s'en sont allés. Du bois coré ont fabriqué. Ring sous la ring, bang sous la ring. Laissez passer les Rathman. Bang sous la ring, ding bang. Chez Mme Gauthier s'en sont allés. Chez Mme Gauthier s'en sont allés. Des belles grosses filles ont rencontré. Ring sous la ring, bang sous la ring. Laissez passer les Rathman. Bang sous la ring, ding bang. Lendemain matin sont retournés. Lendemain matin sont retournés. Dans les chantiers pour défricher. Bang sous la ring, bang sous la ring. Laissez passer les Rathman. Bang sous la ring, ding bang. Que l'Outaouais fut étonné. Que l'Outaouais fut. Faisait bruit leur hache trempée. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Rathman. Bang sur la ring, bing bang. Le reçois en pleine gueule. Puis qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ouais, là, je parlais de vous, et je parlais aussi du concert que je suis allé voir, et je vais boire avant de vous raconter ce que j'ai vu. Mon verre d'eau, pas de glace. Non, avec la ben de la glace. Ben de la glace, puis un petit peu d'eau. Comme je vous ai raconté, comme ça fond, ça va en faire. De l'eau. Hey, suivez! Public d'été! Enlevez vos babouches! Hey, babouche, un mot qui me répugne. Ça va sur des membres qui m'écœurent, des orteils. C'est écœurant, hein, des orteils. Oh, m'a prendre une gorgée, là. J'en ai pris 5, désolé. Mais c'est épouvant, des orteils. Comment ça que le créateur, qui ce jour-là devait être ben... Il y avait un ras-le-bol. Là, j'ai dit, bon, ben là. Hey, là, je me suis concentré à faire la mouche. Tu sais, la belle mouche des femmes, là. Des belles lèvres, des babines, des grosses babines. Quand ça va t'embrasser, ça va te suctionner tout le génie. Et c'est là que ton deuxième génie plus bas va réagir. Mais là, tu sais, après ça, ben, qu'est-ce que je fais? On marche sur quoi? Ben, j'ai décidé de mettre des pieds, d'inventer des pieds, moi. Puis des pieds où on met des orteils, tu sais, des affaires, des genres de frites. Une grosse frite, puis quatre petites frites, puis la dernière petite frite, là, est tellement petite, là, qu'on va la cuire, puis elle va rester sec. C'est écœurant, des pieds. Oh! Là, je parle pas de l'odeur, là, juste le visuel. Hey, t'es-tu sur le visuel, toi, là? OK, OK, c'est visuel. Oh, on le voit. Il rentre dans la voiture. Il y a des babouches. Il y a des pieds. Oh non, il y a des orteils. Oh! Des orteils. Oh! Babouche. Le mot est aussi répugnant que les pieds qui vont dedans. Moi, j'aime ça me promener avec des babouches. Oui. On peut te dire que t'as la face en babouche. Merci beaucoup. C'est valorisant pour moi parce que je prône la babouche. Babouche. Oh, quelle belle babouche. Et hey, puis en plus, là, il y a des babouches avec des fleurs dessus. Il y en a qui sont en minou. Tu sais, tu mets ça. C'est. Je dors tout le temps avec des bas, moi. Tout le temps. Change mes bas. Non, madame. Lorsqu'on nous serons dans l'intimité, vous verrez que j'ai une hygiène de pied exceptionnelle. Change de bas 4 fois par jour. Mais ça, c'est vrai, le pire. Là. En me levant, je change de bas. Hein? Ensuite de ça, avant de partir pour le boulot, je change de bas. En revenant, je change de bas. Quand je me douche et je me prépare à me coucher, je change de bas. Fait que, non, parce qu'il y a eu quelqu'un dans ma vie qui m'a dit « tu dors avec des bas ». Ben oui, mais c'est pas répugnant. Il suffit d'échanger souvent. Puis moi, je mets 2 paires de bas. Bon, encore, et là, on est dans l'intimité. Oh, vous allez tout connaître de moi. Oui, 2 paires de bas parce que je peux pas mettre des bas noirs. Parce que moi, ce que je veux, c'est avoir un bas noir à la fin, OK? Parce que j'ai un pied qui est un peu... j'ai un pied plat. puis qui est très frileux, c'est-à-dire que si le bas est teint, je vais avoir des réactions. Donc, quelle sorte de réaction? Ben, je vais avoir mal au pied, je vais avoir des fendillements au niveau du pied. Et je mets un bas blanc pour cacher mon bas blanc, parce qu'en plus, les filles font une fixation, c'est bas. Avant de te regarder le visage, je te regarde les bas. Ah, ah ben là, il y a des bas noirs. C'est acceptable. Oui. Le visage n'est pas beau, mais les bas sont noirs. Par contre, tu vois, la fille rencontre un beau bonhomme. Un beau bonhomme. Pas brillant, mais un beau bonhomme. Tu peux pas tout avoir. Là. Tu as un beau bonhomme. Mais il y a des bas blancs. Ah non, je veux rien savoir de ça. Moi. Je préfère le crémeau là, qui est des bas noirs. Là, me promener avec un gars des bas blancs. Ma réputation. Qu'est-ce que c'est là, ta réputation? C'est inacceptable. Qu'est-ce qui est inacceptable? D'avoir des bas blancs. Qu'est-ce qu'il dit dans la société? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce qu'il y a une genèse? Avant de nous faire des enquêtes là-dessus, que des bas blancs, c'est ridicule. Ça, c'est un mouvement, là. Quelqu'un est parti là-dessus un moment. Tu sais, la fille s'est levée. Ah, oh, elle s'est étirée. Oh, regarde son truc. Hein, t'as des bas blancs? C'est laid? Ben ouais, hey. Tes mots sont laids, toi. Ta bouche est belle, mais tes mots sont laids. Ouvrez-vous l'horizon, là. Le blanc. Ça prouve. Et ça, le système hospitalier le sait, et dans les cuisines aussi. Le blanc prouve. La propreté. Si t'es sale et t'es mis en noir, tu le vois pas. Mais si t'es en blanc, wow, ça veut dire qu'il faut faire attention. Faut pas s'échapper, des produits sur nos vêtements. Ben, ça va se voir. Le côté hygiène là-dessus, bien important. Bien important. On n'en parle pas de ça, là. Non, on n'en parle pas. Hey, ça, vous en avez... Est-ce que vous êtes rendu compte que j'ai fermé le son pour éternuer? Pas du tout, hein? On appelle ça, madame, mademoiselle, monsieur, du professionnalisme. Pas donné à tout le monde, le professionnalisme. C'est pas dans les écoles qu'on apprend ça. C'est dans le cheminement de la vie. Ouais, mais là, ton cheminement de la vie, qu'est-ce qu'il y a, mon cheminement de la vie? Peux-tu m'en dire davantage? Ah! Avec grand plaisir! Alors là, je vais vous parler de mon spectacle que j'ai vu le premier samedi du mois de juillet de cette année. Hey, c'est assez précis, ça, non? Je pourrais même vous dire la date. On va vous dire la date. C'était au mois de juillet, ça, c'est certain. On est au mois de juillet, là. Et donc, juillet, je regarde sur mon... Le 4, samedi 4 juillet 2020. J'invite mon filleul à aller voir mon oncle Serge au Palais Montcalm. Ils mettaient des voiles au mât de leur dracar et des cases de poêle sur leur tête de barbare. Ils exterminaient les hommes, ils violaient leurs veuves. Ils ont semé la mort jusqu'aux rives de Terre-Neuve. Ils ne connaissaient pas la dépression ni les psychologues. Ils ignoraient le suicide et l'abus de drogue. Du fond de leur immoralité, ils étaient heureux. Ils massacraient avec l'assentiment des dieux. Sans remords, ils se livraient à leurs exactions. Ils n'avaient en tête que la... J'ai honte que ma masse est froid de face. Ça va être trash. Ça va faire splash. Tu vas regretter en 6 mois d'être sorti de la plante de ta mère. J'ai hâte que tu saignes. J'ai hâte que tu gênes. J'ai hâte de t'ouvrir la ventre pis que tu vois ton pancréas. C'est fini pour toi. C'est fini, tu vas crever. C'est fini, t'es plus rien. Va te donner à manger à mon chien. Fuck you, j't'ai eu. Meurs, mon hostie. Se sont écoulés, leurs dracars ont coulé. Mais la fascination pour le son subsiste. Il coule du petit écran, il inonde les romans, il macule les pages du photopolis. Comme un taureau excité par le torero, l'homme se rue dès qu'il voit du rouge vermeil. Sa vie est plate, il porte la cravate, mais au fond de son âme, le barbon sommeille. Homme des frustrés sur toi, ça va me faire du bien. La steam va sortir, tu vas souffrir pour mon plaisir. Aide-toi, aide-toi, aide-toi mon estime, pour un faire tu saignes, j'ai hâte que tu gênes, j'ai hâte que t'agonises, puis que tu me dises arrête man please. Tu vas plus jamais pisser que ta graine, tu vas plus jamais chier de marde, tu vas plus jamais te branler, t'es une honte pour la société. Tu vas plus, tu vas sentir la mort. Le Canadien marche dans les rues de Saint-Jean en simulant le civisme et en forçant des sourires polis. Mais au fond de son âme, il rêve de sang et de flammes. Il fait couler le sang de l'ennemi. Le Viking n'a jamais vraiment quitté le sol canadien. Il dort dans le cœur de chacun de nos concitoyens. Premier spectacle de déconfinement pour mon oncle, mais pas le premier spectacle de tous les temps du déconfinement, il faut le dire là. Parce que la veille, il y a eu Pépé. Moi, je voulais aller voir Pépé, mais j'ai traîné un peu pour Pépé. Quand j'ai voulu avoir des billets, là, trois jours avant, parce que j'ai dit, mais ça dépend, tu sais, si ma semaine a été difficile. Ça marquait en plus la fin de mon travail et le début de mes vacances. Là, trois jours avant, mardi ou mercredi, je décide, oui, je vais aller voir Pépé vendredi. Donc, je clique. Il y avait trois spectacles, 19, 21 et 23 heures. Plus un billet. Mon oncle Serge, il restait 6 billets. Donc, pour Pépé, c'était vraiment le premier spectacle de déconfinement. Pour mon oncle, c'était un bon spectacle. Excellent. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas comment le protocole. J'ai reçu toute la nomenclature 2 heures avant sur Internet, mais moi, je vais sur Internet plutôt le soir, pas le jour. Sauf pour faire mes émissions, pour faire mon montage, mais je ne vais pas sur Internet. Je vais travailler avec mon ordi. Et ça, je le fais souvent, mais je ne suis pas sur Internet. Parce que je trouve que je perds du temps là-dessus. Tu commences une discussion, ça finit plus. L'autre n'arrête plus de poser des questions. Hein? T'es avec qui? T'es venu bien tard. Hey, on n'est pas mariés, là. Non, mais tu devais m'appeler. Ben oui, mais là, écoute bien, là, je savais pas à quelle heure ça allait terminer. Ah, mais non, ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Bon, toi, t'as une faune mâle assez bien remplie. Ah, la faune, la faune. Si t'es connu du monde comme toi, si t'appelles ça de la faune, on est loin de la faune. Là. Puis je pense que je vais raccrocher le téléphone et puis c'est plus le faune. Là. Et je sais même pas où je m'en vais avec ça. Tu m'avais dit d'aller aller. Ben ouais, mais là, écoute bien. Non, j'écoute pas, j'écoute, je pleure. Ben c'est ça, pleure, tu vas moins uriner. Donc, mon oncle Serge, ça a commencé. On entre dans cet établissement qu'on appelle le Palais Montcalm. À 22. Le show était, mon spectacle était à 23h parce que j'ai dit à mon filleul, à René Chal, j'ai dit René Chal, fais-toi, tu sais, moi là, je suis un vieux routier. Si tu vas voir le dernier spectacle, il risque de déborder. Parce que là, quand tu fais un show à 19h, 21h puis 23h, tu es obligé de respecter les deux premiers spectacles. Mais après, wow, c'est open bar! Puis c'est ce que mon oncle Serge a dit quand il l'a fait un rappel. Vous êtes chanceux, c'est le dernier spectacle. On va pouvoir allonger le tout. S'allonger également, on était tous couchés, puis hey, on regardait le show, bon, on était bon, on avait de la bière, du vin, on se tirait de la bière, du vin. Tu sais, c'était un décorum, là. Deux pieds dans le bar. Ah, t'es merveilleux. Puis là, mon oncle, quand sa chanson Destruction tout à l'heure, là, Destruction, bah, on était. C'était le fun. Ça vibrait tellement que c'était bon. Même le plancher avait du plaisir. On marchait là. Et puis donc on rentre là, puis on savait pas, tu sais, comment ça fonctionnait, parce que j'ai reçu quelques heures avant, deux heures avant, toute la comment dire, donc les règlements à suivre. Mais là, comme moi je peux aller voir à mes courriels, je peux être deux trois jours sans aller voir mon hotmail là. On se rend là. On arrive 10 minutes avant, on s'installe sur un banc public, puis on parle avant, puis là, je dis à moins 10, ben, on va rentrer, on rentre. Là, la dame a dit, ben, bonjour, lavez-vous les mains. C'était 50 personnes par spectacle. Alors, il a fait 150 personnes en trois concerts. Se lave les mains, bon, et puis on s'en va à la billetterie. Et en fait, mon fiel me demande, René Chal, il dit, est-ce qu'on peut prendre une consommation? Mais sans doute, là, tu sais, je voyais au loin là, qu'il y avait de la bière, puis ça. Mais la marque de la bière, je ne l'aimais pas, parce que j'ai pris moi du vin. Et pendant que je lui parlais, j'étais dos à la porte d'entrée pour se diriger dans la salle. Je vois-tu pas quelqu'un qui dit, oh, salut René, je me retourne, c'était mon oncle Serge. Serge Robert, parce que j'avais dit que j'allais le voir puis je voulais le remercier. Ben non, attendez, non, c'est pas vrai. C'est presque vrai. Alors, là, il me dit, ah, salut René, je me retourne. Je lui dis, je peux pas te donner la main. Hein. Il dit non, fait que là, il monte son coude, on essaye de... Un peu comme dans l'âge de bière. Et c'était tribal, très, très tribal. Là. Mais on a décidé, au lieu de se toucher, de se postillonner dessus. Hey, moi, ça sent loin. J'étais habitué, moi, de postillonner. Même quand je veux pas postillonner, je postillonne. Lui, il était assez amateur là-dessus. Et puis, donc, on parle un peu. Puis, j'oubliais de le remercier pour le 800e. Il m'a fait deux chansons. Et j'allais l'oublier quand je me suis retourné pour prendre ma consommation. Et je me suis redirigé vers lui en disant, « Hey! » Hey, mon oncle, merci pour ce que tu m'as fait, c'était extraordinaire. Là, il était gêné, il a courbé les yeux. Mon filleul, lui, attendait de se faire présenter, je ne l'ai jamais présenté. J'ai oublié de présenter René Chal à mon oncle Serge. Alors ce soir, je le fais solennellement. Mon oncle Serge, je voulais te présenter René Chal. René Chal, je voulais te présenter mon oncle Serge. En fait, c'est ma filleule Sophie qui m'a dit « Oh ouais, tu ne l'as pas présenté ?» Moi, je te l'aurais dit! Oh! Ça fait mal. À mon cœur d'animal. Intérêt principal. Oh, je ne suis pas sorteux. Et donc, le show a duré, mais on est arrivé à la maison à 00h30. Donc, le spectacle a duré facilement 70 minutes, sans entracte, avec ben, ben de la salive, ben du plaisir. On chantait, on criait, on était des floufous. Mais tellement heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui se défonçait pour nous. Et lui, il s'était pointé au bar, non pas pour commander, j'ai malheureusement brisé son terrible secret, c'était pas pour de la bière, là, parce que là, mon oncle Serge doit boire de la bière, il boit du fort, il prend de la drogue. Mais non. Il reprenait un autre café. Il en avait tellement pris de café que... J'ai dit, hey, ton spectacle va durer juste deux minutes. Ça, c'est assez. Ça sera assez. Ouais, mais deux minutes, hein, j'ai payé. Bah, t'as payé. Moi, t'as remboursé. Puis là, ben, on a assisté à un concert mémorable. J'ai acheté trois DVD de mon oncle Serge parce que je les avais, mais ce n'étaient pas les originaux. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais une copine à l'époque. Et je les avais gravés pour moi, pour les garder. Et j'avais donné les originaux. Et là, moi, j'en avais plus. Comme il m'a encouragé pour le Radioton. Pas le Radioton, pour mon 800e. Ouais, là, le Radioton, c'est une autre histoire. En tout cas, pour le 800e, j'ai donc acheté trois disques. Le Gaminet. C'est un T-shirt en français, en anglais. On appelle ça un Gaminet en français. Voulez-vous que je l'appelle? Caminet, G-A, Minet, M-I-N-E-T. Comme gros minet, mais Caminet. Alors, j'ai acheté son... j'en ai pris un à mon filleul aussi, à René Schell. Alors, on était les deux avec, tu sais, la représentation de mon oncle Serge. On est rentrés à l'intérieur. On était vraiment des groupies, tu sais, des groupies. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes autour de toi, là, avant le spectacle. Il y en a qui s'étaient commandé de la bière. Il y avait un petit couple de deux, là. Il y avait 8 bières sur la table. Parce qu'on demandait fortement aux gens de tout acheter les consommations pour rester dans la salle. Mais là, ça voyageait là, pour aller pisser. Parce que qui dit bière, dit pipi. Ça voyageait. Je pense que les seuls qui n'ont pas voyagé, c'est moi et puis René Schell. Nous autres, on était cloués sur notre banc. J'avais demandé à Serge Robert, peux-tu demander à quelqu'un là, de nous rentrer des clous? Parce qu'on veut pas bouger. J'ai dit, pas de problème. Fait que là, ils sont venus nous clouer ça dans le trou de pète. Bon, j'ai encore des petites cicatrices, là, ça fait mal, mais ça me rappelle des bons moments. Quand ça me rappelle des bons moments où j'aime ça souffrir. Ah, oh, c'est comme avec Jean-Claude Brisebois. En 78. C'est plein de bras. Oh, c'était un cactus, hein? Oh, mon Seigneur! C'était aussi fort que la chanson du tronc. Mais chanté par Vanessa Paradis. Avez-vous entendu les cactus chantés par Vanessa Paradis? Ça prend une dimension... presque sexuel, madame, mademoiselle, monsieur. C'est du sérieux. Ça fait que là, je suis très heureux d'avoir eu la chance de participer au premier spectacle de déconfinement à Québec, ou presque le premier, avec Serge Robert, mon oncle Serge, que je remercie, que je salue encore. Salut, vieux. Très heureux. Et puis, aujourd'hui, le lundi, ah, parce que là, c'est le temps de proposer mon invité, là. Ben oui. Ben voyons. On est comme ça, nous autres. Vous autres, vous êtes comment? Ben. Hey, avez-vous eu des problèmes, vous, avec la chaleur oppressante de l'été? Chaleur oppressante de l'été. Ah, monsieur. Hey, 44 à l'ombre. Pas à Londres, mais à l'ombre. Et ça, je parle de 44 à Québec. C'est mêlant, hein? Attends un peu. Tu dis 44 à l'ombre, à Londres, à Québec. Non. Je répète. 44 degrés à l'ombre à Québec. Et non pas 44 degrés à l'ombre à Londres de Québec. On voit rien. On me mal à la tête. Avez-vous des médicaments? Mais pour? Pour le mal de la tête? Oh, pas de médicaments ici, nous autres. Nous autres, on peut t'offrir une de mes bières, mais pas de médicaments. Ça, on appelle ça un sirop de réalisateur et un sirop d'animateur. C'est ma bière, mais jamais pendant l'émission. C'est après, pis c'est pas pendant, pis c'est pas avant. Tu fais toi, une fois que tu as fermé ton micro, tu dis j'ai donné mon 100%. J'ai été au summum. Pour ne pas dire au sommet. Pour ne pas dire au zénith de mon génie. Pour un public qui aujourd'hui, quoi, m'écoute à peine. Souviens même plus ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Souvenez-vous ce que j'ai dit il y a 2 minutes? Mais non. Vous n'êtes pas attentif. Et aujourd'hui, moi, le public du lundi, c'est pas un public attentif. Il s'en va là, il écoute moi. Hein? Pardon? Oui. Je me déchaîne et j'enchaîne. Sans rouiller. Aujourd'hui, on est drôle. On est drôle dans le sens d'étrange. Bizarre. Louche. Plus t'es louche, plus tu représentes bien la société contemporaine. Ayons l'air étrange. Comme disait Bertrand Cantat, Noir Désir, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Aujourd'hui, le lundi 20 juillet 2020, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah oui, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'un comédien, chanteur, compositeur, un esthète. Il a fait des mémoires de Balkan. Il s'est intéressé au théâtre, à toute la structure théâtrale. Il en a livré des œuvres super intéressantes lors de ses études. C'est un être attachant, exceptionnel, que nous aurons la chance d'entendre deux fois, aujourd'hui et la semaine prochaine. Il m'a proposé son album qui est extraordinaire. Je vous le conseille fortement. À partir de maintenant, c'est 100% Olivier Neveu. Donc, Olivier Neveu, album sublime. Il va en parler. On va le laisser aller avec moi dans le chemin narratif d'Errance rénaldienne. Bonne soirée. Au lupanar de Miss Sugar. Baby Hyde, fils de Jekyll. C'est avec mon pèse qu'il se déniaise. Baby Hyde, fils de Jekyll. De passe en passe, de glace en glace. Baby Hyde, fils de Jekyll. You're my son. Entre les cuisses, sa langue s'immisce. Plumard de Miss Sugar. Baby Hyde, fils de Jekyll. Il est le fils de tous mes vices. Baby Hyde, fils de Jekyll. En chambre double, il se dédouble. Baby Hyde, fils de Jekyll. You're my son. Entre les fesses, sa langue caresse. Fiole, elle crie au viol. Mais d'où nous vient cette gêne, cette déviance dans nos gènes. Dans nos veines se distille la trace de Jekyll. Mais d'où nous vient cette gêne, cette déviance dans nos gènes. Dans nos veines se distille la trace de Jekyll. Je te laisse le cendrier, Olivier. Oui, je veux bien. Excellent. Ah, mais comme tu peux voir, hein, c'est un roulement. Hein. C'est un roulement, c'est oui. C'est fou, hein, mais c'est mon bureau chef. C'est au suivant. Ah oui, ben, c'est comme Brel, hein, la chanson de Brel au suivant. Mais c'est vraiment mon bureau chef. L'après-midi, c'est au Sancerre, le matin, c'est au Bruant. D'accord. Donc, c'est en plein ça. Je rencontre des créateurs, des artistes, des écrivains, des gastronomes dans l'univers de la création. Je suis très heureux de te rencontrer, ben, Olivier. Oui, moi aussi. mais ça me surprend que tu aies accepté. Mais pourquoi? Mais parce que les gens sont très frileux. Ah? C'est pas la première fois, hein? Non, non, mais moi, c'est avec plaisir. Et puis, tu viens du Québec? Oui, ben oui, en plein. Ah, mais là, tu sais m'attirer, parce que les gens mêlent Québec et Canada. Effectivement, je viens du Québec. Est-ce que as-tu déjà visité le Québec? Jamais. Mais c'est quelque chose que je veux faire. Ouais. Peux-tu un peu me raconter le travail que tu... ton travail en... En général. Alors. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez. Ça marche? Oh, oui. Ah ouais, attends, ça parce que moi je crois que. Attends, deux petites secondes, je suis désolé. Okay, non, il n'y a pas de problème, je fais un montage. Hein. Ouais, d'accord. Okay. On est l'été, là. Nous sommes l'été, il faut respirer. Juste, excuse-moi parce que je sors de casting, là. OK. Et j'ai juste besoin de répondre à un message. Oui. Toc. Mais tu peux prendre 5 minutes si tu veux. Non, mais ça va attendre une minute. Voilà, je vais te couper d'ailleurs. Oh, ben si tu veux répondre à des appels importants, non, là, comme va, tu là, j'ai... Ok, t'as pas d'appel? Les urgences sont passées. Là. Ah oui? Ouais. Et comment tu te prépares pour, comme tu disais, un casting? Est-ce que c'est stressant aujourd'hui ou tu es habitué? Ah oui, aujourd'hui c'était. Ouais. Un casting c'est stressant, ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est ta job, c'est vraiment ce qui va t'amener de l'argent éventuellement. Ben c'est ce qui t'amène d'abord en rôle, quoi. Ouais. Donc, on fait ce métier-là pour le plaisir de travailler des rôles. Oui, et puis de rentrer dans des personnages. L'argent, après, c'est quelque chose qui vient après, qui vient avec. S'il y en a, voilà. Tant mieux. S'il y en a beaucoup, tant mieux. S'il n'y en a pas beaucoup, tant mieux. Tant pis, mais... Alors, qu'est-ce qui t'a amené au théâtre, à l'art dramatique? On va prendre ça dans le... on va généraliser en l'art dramatique. Ah, écoute, j'ai pas suivi un cursus un peu classique, c'est-à-dire conservatoire... Cours Florent à Paris ou des choses comme ça. Ah, tout le monde, ouais, c'est bien. Voilà, en fait, moi, adolescent, en fait, ce qui m'a amené d'abord, justement, tu vas voir, au métier du spectacle et du artistique, c'est la radio, en fait. Au départ, à 15-16 ans, je suis devenu animateur d'une radio libre parce que c'était l'explosion des radios libres. C'est nous. Voilà. Ouais, c'est KRL, c'est nous. Ouais, c'est KRL. Oui. Et c'est une radio qui s'appelait Radio H, Radio Handicapé. Oui. Et j'habitais dans un petit village où il y avait une fondation qui recevait des jeunes gens handicapés pour se soigner. Et puis ensuite, il y avait cette radio qui disait qu'était une fenêtre ouverte sur le monde pour eux. Mais eux étaient handicapés physiques ou physiques et mentaux. Okay. Ouais, physiques et mentaux. Et il y avait cette radio qui a été une des toutes premières radios libres en France. Et le soir, comme les jeunes allaient se coucher, ils avaient besoin d'auditeurs pour animer l'antenne le soir. Et en fait, ça a été mon premier contact avec le public. C'est bien. J'animais une émission rock. Et rock anglaise? Rock, ouais, anglaise, américaine, française. Là, on est en quelle année, là? Là, on est en... Oula, putain, on est dans les débuts des années 80, 85, par là. Alors, Noir Désir jouait? Pas encore. OK. Ouais, pas encore. Mais il y avait beaucoup de francophones ou très peu? Ouais, il y avait assez peu de francophones en rock. Okay. Il y avait Trust, il y avait Téléphone, il y avait... Taxi Girl, enfin des... Les One Pass, peut-être? Ouais. Non, il n'y avait pas encore les... Enfin, peut-être, mais ils n'étaient pas encore connus. Il y avait... c'était vachement bien. Il y avait... comment ça s'appelait? Une chanteuse rock française? Niagara. Ah oui, le groupe Niagara. Le groupe Niagara, ah, oui. Voilà. Elle habite Montréal. Oui, d'accord. Oui, elle fait de la musique électronique aujourd'hui. D'accord, j'adorais cette chanteuse. Sublime. Ouais. Oui. Et puis donc voilà, donc en Muriel fait, Moreno. Muriel Moreno, exactement. Mm. Et en elle fait, est aussi belle. Ouais. Elle vieillit bien. Elle est comme le bon vin, elle vieillit bien. Elle avait un truc dans la voix qui était un tout petit peu faux, mais pas faux en même temps. Enfin, je sais pas qui était. Puis les albums sont devenus de plus en plus rock, du petit pop jusqu'au rock. Le Religion, c'est un album très rock. Ouais. Avec les guitares. Avec les guitares. Son musicien était extraordinaire. Ouais. Et là, toi, tu t'es tu as eu la piqûre grâce à la radio. Oui, parce que c'était mon premier contact avec le public. Alors, je me suis pris au jeu et puis je commençais à préparer mes émissions, à sécher un peu les cours, parce que j'ai encore étudié en ce moment-là. Et puis, en fait, ce rapport avec le public, même si là, en radio, on ne le voit pas, mais il est là, ça passe par la voix et tout. Je ne sais pas, ça a commencé à titiller quelque chose en moi. Donc, j'ai voulu commencer à faire de la musique. Et j'apprenais le piano à ce moment-là. Et donc, j'ai assez vite commencé à écrire des poèmes d'adolescents et à me dire comment je peux mettre ça en musique, les chanter. Donc je bafouillais sur mon piano et j'ai fait mes premières fêtes de la musique comme ça en présentant mes morceaux à moi quoi. Et puis ça parlait de quoi? C'était des poèmes un peu rebelles qui mettaient en scène un peu des personnages rebelles et puis des poèmes d'amour. Okay. Donc ouais, c'était un peu un mélange des deux. Et toi, qu'est-ce qui te plaisait à chanter des chansons, hormis le fait d'attirer les filles? Eh bien, ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ben oui, il y avait ça, c'est vrai que ça marche. La musique, ça attire les filles. Ça marchait bien, et puis ben oui. Tu mets tes mains sur un piano et tu sens une. Oui, puis là, elle se dit, attention. Mon corps, ça risque d'être merveilleux. Ben, en fait, ce qui m'attirait, c'était que. J'en avais pas encore conscience, mais j'avais besoin d'exprimer quelque chose de moi-même, en fait. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire, c'est... Voilà, c'est... Donc, l'écriture de texte est arrivée assez vite, parce que c'était... Je voulais pas chanter des trucs qui voulaient rien dire pour moi, en fait. Donc, assez tôt, il y avait cette... cette volonté. Je sais pas, naturellement, cette volonté, cette propension à vouloir faire quelque chose de personnel. Bon, et puis après, de fil en aiguille, après je suis monté sur Paris et puis j'ai commencé à monter un groupe. Mais tu es originaire de ? Je suis originaire de la banlieue sud de Paris. Ok. Ouais. Bah alors tu es vraiment un vrai Parisien. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Mais là, tu as voulu rester, t'as placé au centre-ville ouais. de Paris. Ouais. Pour et puis... pouvoir être près de tout. Et voilà, et puis pour être près de tout, et puis en fait, Paris, enfin la France, c'est comme ça, il y a tout le milieu artistique est quand même centralisé sur Paris. Voilà, et puis, actuellement, c'est Avignon, là. Actuellement, c'est Avignon, ouais. C'est une centrifugeuse, Avignon. Et, ouais. Et j'ai dit, j'ai eu beaucoup de réactions, j'ai dit, là, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de perdre de l'argent à Avignon actuellement, là. C'est fou. Alors oui, il y aurait beaucoup à dire. Oui. Puis il faut remettre en question ce genre de bordel-là. Mais tout le monde y croit, tout le monde croit revenir ici riche et célèbre. Et puis non. Non, mais le problème, c'est que moi j'étais confronté aussi à Avignon et le problème, c'est que tu as maintenant, quand tu montes un spectacle, en tout cas en théâtre ou en one man show ou parfois en chanson aussi. Moi, j'ai fait en chanson aussi le festival. C'est que tu te demandes comment tu peux faire pour vendre ton spectacle si tu ne fais pas Avignon. C'est-à-dire que quand tu commences à contacter, quand tu commences à décrocher des dates et que tu joues ici ou là, et que tu appelles des programmateurs pour les faire venir, toi, à 15-20 km, il y en a plein qui te répondent « Mais est-ce que vous faites Avignon ?» Parce qu'en fait, voilà, il part ça tout. Se passe là, Avignon. Si tu veux voir des artistes, tu vas à Avignon. Si tu veux programmer pour les années à venir, c'est Avignon que ça se passe. Ouais, malheureusement, c'est comme un je dirais. Artistique. C'est un marché, en fait. Ouais, donc, les gens, ils viennent faire leur marché là-bas. Parce qu'en plus, ils sont un peu payés aux frais de la princesse aussi pour aller là-bas. Ils ont des potes. Ils débriefent les spectacles ensemble. C'est festif également. C'est festif et c'est super. Hein. Moi, j'ai kiffé de faire le festival. Hein. Mais voilà, il y a un peu un système comme ça, j'ai l'impression. Après, bon, je ne suis pas non plus un spécialiste de la diffusion des spectacles, mais c'est un peu mon ressenti, quoi. Parce que j'ai eu au téléphone ou des collègues à moi qui m'ont booké mes dates, qui me disaient, voilà, on me demande, est-ce que tu vas à Avignon? Parce que, tu vois, c'est plus pratique pour eux, si tu veux. Carbonisé, une belle évaporer, envoler. Nuage de lait sur ma terre ensoleillée. Sucré, lyophilisé, je marche dans ma plantation de café. Café frappé, c'est l'été. Des criquets voyagent dans mon crâne dégagé, vidé, illuminé. J'aime à rêvasser sous les caféiers, éclaboussé, ensanglanté. Le soleil tape mon crâne pelé, filtré, lobotomisé. Labo des chercheurs du KGB. Café serré, c'est l'été, une belle évaporée. Bref. Mais ouais, mais c'est quand même très très intéressant de savoir que tout se passe là actuellement. Là. Tous les artistes là, sont partis, ont convergé à Avignon pour essayer de tirer son épingle du jeu. Mais toi, c'est ça, il y a eu la chanson, tu fais encore, en fais ça encore beaucoup de chansons aussi, tu as mis ça en veilleuse. Alors là, moi je partage ma vie artistique entre le métier de comédien et la chanson en fait. Et donc, depuis le début en fait, c'est-à-dire que dès que je suis monté à Paris, j'ai été aussi attiré par le métier de comédien, donc j'ai toujours mené les deux ensemble. Okay. Alors, c'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes... voilà. Et il y a 3 ans, 2 ans et demi, j'ai mis en musique des poèmes d'Aimé Césaire et de Léon Gontran Damas, un poète guyanais. Okay. Qui faisait partie du trio, c'était le trio qu'on appelait la négritude dans les années 30, okay. Césaire, Damas, Sangor. Ouais. Et moi j'ai pris Damas et Césaire. Pourquoi? En fait, tout est venu. Normalement, j'écris mes propres chansons, textes et musique. Et tout est venu d'une tournée que j'ai fait d'abord en Guyane avec mes propres chansons. Okay. Et puis là-bas, j'ai rencontré des artistes et. Et j'avais fait aussi une deuxième tournée en Guyane pour le centenaire de Césaire, en fait. C'était pour un hommage. C'était avec des musiciens classiques et des musiciens de jazz. Et la responsable de ça m'avait vu au Festival d'Avignon, justement, avec mes chansons. Elle m'avait dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de partir avec nous et de mettre en musique quelques poèmes d'Aimé Césaire? Et on te donnera 20 à 25 minutes de show dans le spectacle. Donc je connaissais un peu Césaire et j'ai mis le pied à l'étrier, j'ai lu tout son intégrale de poésie et j'ai été prendre des choses voilà, qui me paraissaient possibles d'adapter à la chanson. Ouais. Parce que j'avais dans l'idée quand même d'une mélodie, de rester dans le cadre de la chanson en fait. Tu voulais pas trahir le texte. Je voulais pas trahir le texte et puis comme il y a beaucoup de textes qui sont extrêmement touffus, donc naturellement... Quand on met ça en musique, on a envie de. On va souvent vers le slam ou vers des. Ou du texte percussif avec des percussions ou d'autres instruments. Et puis moi j'avais quand même l'idée d'harmoniser une harmonie sur le texte, de lier une ligne mélodique à la phrase. De marier tout ça, d'envelopper. Voilà, alors j'étais un peu. J'ai été un peu vers le blues, vers le jazz, vers un peu la musique de western, ou un peu le folk. En fait, en un mot, tu voulais servir le texte. Je voulais servir le texte. Et je voulais surtout servir le texte et passer la parole des poètes, en fait. Okay, ouais. Et donc, je me suis pris au jeu, et puis je pense que c'est venu aussi rencontrer... Une part de rébellion qu'il y a en moi en fait. Parce que, en toute modestie par rapport au combat que ces hommes-là ont mené, aussi bien à titre personnel que sur le plan politique, que sur le plan du sociologique, du combat humaniste et ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, dans le spectacle, il n'y a pas une seule fois où je parle en mon nom. Tu représentes quelqu'un. Je représente l'artiste, voilà. Le poète. Comme un passeur des textes, quoi, voilà. Un peu comme Ferré, elle l'a fait avec Aragon et tout ce qu'on fait. Exactement. Et donc, j'ai créé ce spectacle il y a 2 ans et demi. On l'a tourné un petit peu. Et puis là, actuellement, je lui cherche un tourneur. Ok. Voilà, je l'ai laissé un peu reposer parce que je pensais que je pouvais vendre ce spectacle un peu avec ma... J'ai une petite prod. Avec ma prod, je pensais qu'il y avait comme... Tu vois, c'est vraiment des thèmes très... Enfin, voilà, on aborde le racisme, on aborde... C'est très fort. C'est dense. Je pensais que des villes, des salles pourraient être intéressées ouais. Sans passer par le système des tourneurs et tout ça. Ouais. Et puis c'est compliqué. C'est compliqué simplement pour rejoindre des gens. Ouais, en fait. Ouais. Tu sais, j'aimais beau dire Internet, là, mais il y a tellement. C'est un foutoir Internet également. Là. Oh. Hein, c'est tout est pêle-mêle, chansons françaises, chansons à texte, chansons variété, la pop, le rock. On sait pas, jazz, blues, c'est infernal. Ouais, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de spectacles, c'est bien. Et puis après, j'ai fait appel pour ce spectacle à 2 musiciens multi-instrumentistes, okay. Franck Stécard et Christophe De Villers, qui par ailleurs jouent avec la chanteuse Juliette. Là, ils viennent de que faire. J'ai ah ouais, c'est. Elle est sublime. Ouais. Ah, quelle femme extraordinaire. Tu lui dis bonjour et c'est parti. Je suis allé la voir à la salle PL. Oui. Ouais. Et quand, cette année ouais, cette année, là, c'était il y a. C'est son nouvel album, là, j'aime pas la chanson. Voilà, j'aime pas la chanson. Voilà. C'est rafraîchissant. Une belle dame, je l'adore. Ah, et puis il y avait. Elle m'a aussi bluffé sur une reprise qu'elle a faite de Des Corons de Pierre Bachelet. Oui, oui, oui. Elle okay. fait la reprise en piano-voix. J'ai redécouvert la chanson. Elle ouais, piano-voix. Seule. Piano-voix, ouais. Mais elle faisait elle a même repris une chanson des Rolling Stones dans un de ses. Au Hall, il y a quelques années, il y a peut-être 10-15 ans. C'est hallucinant. C'est la première fois que j'entendais chanter en anglais. Et elle a repris aussi des chansons d'Édith Piaf, de Jean Brel, mais c'est toujours à travers ses chansons. C'est, en tout cas, Juliette, c'est Juliette. Juliette, c'est Juliette. Ouais. Donc, c'est ça, toi, t'es aussi piano, piano-voix comme Juliette. Voilà, piano-voix. Alors, elle, c'est. Moi, je suis moins pianiste que Juliette, hein. c'est une excellente pianiste. Et moi, je me sers surtout du piano pour composer. Mm-hmm. Après, sur scène, j'en joue 3-4. Mais sinon, je suis micro à la main. Quoi. Mais toi, ta force, contrairement aux chanteurs ou chanteuses au groupe, c'est que tu peux raconter des histoires. Tu es un comédien, donc c'est l'art dramatique avec la musique. Et quand oui. tu vis tes chansons, c'est brillant parce que tu n'es pas juste un chanteur. Tu peux en mettre, même si ça ne va pas, tu peux jouer un rôle. Donc, Oui, parce que le réflexe du comédien, c'est aussi... d'être dans l'émotion du texte, en fait. Oui, ben oui. Parce que le comédien, c'est d'être confronté au texte. Oui. Donc, c'est instinctivement être dans l'émotion du texte. Je dis pas qu'un chanteur pas comédien ne l'est pas, hein, loin de là. Hein. Non. Mais c'est pas qu'une interprétation musicale, je veux dire, tu vois, de la qualité technique et musicale, quoi. Surtout pas, il faut y mettre du cœur. Ouais, y mettre du cœur et se s'approprier ce texte-là, même si c'est soi-même qui l'avons écrit. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on a écrit un texte que c'est si facile de se l'approprier. Effectivement. Et parce qu'en fait, c'est tellement intime, c'est comme les chansons de Philippe Léotard, c'est très intime. Ouais. Alors comment les recracher pour exprimer ce que nous, on voulait dire. C'est ça, parce que il peut y avoir la pudeur aussi, la pudeur de d'interpréter des choses qui viennent vraiment de toi, qui sont intimes, de ton intimité. Non, c'est ouais. dégueu. et donc voilà, et donc pour revenir à ce spectacle Césaire Damas, on a 12 instruments sur scène, donc c'est un bazar. Ouais. Et donc les Franck et Christophe tournent sur les instruments. Ils jouent de plusieurs. Il y a de l'harmonica, du piano, de la contrebasse, du caronne, de la trompette, trombone, je ne sais plus. Voilà. C'est merveilleux. Ouais, c'est un beau spectacle. J'espère vraiment pouvoir le relancer ce spectacle. Et Alors, on a peut-être l'opportunité d'aller les jouer au Memorial Act en Guadeloupe, qui est je crois que c'est un établissement public qui a été inauguré par le président François Hollande il y a 4 ou 5 ans, qui est un établissement qui est consacré à l'histoire de l'esclavage dans la Caraïbe. Donc le Memorial Act. Donc une belle étape pour ce spectacle et en tout cas un honneur que de le jouer là-bas. Et bon, pour l'instant c'est pas fait, mais c'est quelque chose qui c'est peut-être à venir. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Ouais, exactement. Ouais, ils sont intéressés. Après, faut trouver le moment. Puis comme t'es chanteur, mais t'es aussi comédien. Faut que tout ça fonctionne dans l'horaire, Dans un horaire. Ouais, tu veux dire dans un emploi du temps, tu veux ouais, dire c'est ouais. Ça, exactement. Oui, après, tu sais, à un moment donné, on met une priorité et puis c'est ça qu'on fait et pas autre chose. On met ça en veilleuse puis on. Ouais, après, exactement, ouais. Et pour toi, le travail de comédien, est-ce que c'est similaire à la musique ou c'est tout à fait différent, comme tu le disais tout à l'heure? Non, c'est différent. Il y a des points communs. Il y a des choses en commun. Peut-être qu'un chanteur, il a le sens de la musicalité de la phrase, du texte. Les nuits blanches jusqu'au dimanche. Chère grand-mamie, j'maudis les insomnies. M'a fait clafoutis sur ton île engloutie. Je suis parti chasser les ombres peuplées de bruit. Chère grand-mamie, là tu t'es endormie. Moment d'oubli. Long John Silver, le trafiquant de momies, t'emmène au paradis voir le poulpe géant. La nuit noire jusqu'au manoir. Chère grand-mamie, j'maudis les colonies. M'a fait clafoutis, ta bougie m'éblouit. Je suis parti chasser les cricots à l'agonie. Chère grand-mamie, tu t'assois sur ton lit. Voilà, tu as peur des ténèbres assoupies. Joli Roger, le pavillon des bandits m'emmène au paradis voir le poulpe géant. Ne cherchez surtout pas je suis. Je suis parti dans la valse de mamie. Cherchez-moi dans les pages jaunies. La boutique est fermée aujourd'hui. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Docker, je connais les bateaux par cœur. Je charge, décharge, j'amarre, travailleur à toute heure. Et pourtant j'en ai marre, docker, de femme, je suis amateur. J'emballe, je déballe, j'avale, en douceur, je suis un malheur. Et pourtant je me sens mal. Je connais tous les tangos. Des barresi au bas du dos, Sligo Porto Vecchio. Partout la même moiteur, Docker, ailleurs c'est même topo. Quand j'aime cet idiot qu'est de la rapper l'Alma Marceau, partout je passe pour menteur. Seul défaut. Tout ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir au fil de l'écume et de l'eau. Docker, c'est dans le fond d'un paquebot que j'ai rencontré Margot, un sourire au hublot. Et je me suis vu meilleur, Docker, elle dort Eldorado. Paradis des matelots, baiser tatoué à fleur de peau. J'ai m'en aller pour pas te faire peur. Tout ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir, la paresse est mon seul défaut. Tout ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir des écluses et de l'eau. La paresse est mon seul défaut. Tout ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir, ce temps perdu à dormir au fil des effluves. Ça, parfois ça peut aider quand tu es comédien parce que ça peut aider à te à ajouter de, comment on appelle ça, de l'intonation à l'émotion. Okay, ouais. Tu vois ce que je sais pas comment dire, mais un truc comme ça quoi. Ouais. Mais non, sinon c'est non, ça a pas grand chose à voir. Et puis de toute façon, moi dans la musique, je suis auteur, compositeur, interprète. En tant que comédien, je suis vraiment toujours au service du texte et de quelqu'un d'autre, d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Moi, je suis assez peu de théâtre. J'en ai fait beaucoup dans les années 2000. Et puis, depuis quelques années, je suis surtout à l'image, en fait. Ok. Voilà, donc, série télé et là, ça frétille un petit peu du côté cinéma. Ok. Voilà. Là, je viens de passer des essais pour un film de cinéma. Aujourd'hui à l'instant. Ok, et puis comment c'était? C'était un deuxième tour. Ah, alors donc, t'as été choisi au premier. J'ai été choisi au premier. C'est un deuxième tour. C'est pour un film de Yann Gosselin, qui a fait le film Un homme idéal, notamment. Oui, ben oui. Voilà. Oui. Après, je ne peux pas en dire plus. Ok. Mais en tout cas, j'adore. Je suis fan de ces films. Je serais très fier d'être l'heureux élu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Est-ce que c'est un rôle secondaire ou... C'est un rôle secondaire, mais qui est extrêmement important, qui fait l'ouverture du film. Okay. Et qui est d'une grande intensité, en fait. Okay. C'est le démarrage de son film, donc je pense que là, il faut que ça... Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, bien, bien. Okay. Et là, tu vas avoir des nouvelles cœurs. Ah, je pense, là, dans les 8 jours, je pense. Okay. Ouais. Donc voilà, deuxième tour, donc c'est stressant parce que là tu veux... Mais quand tu es sorti de là tout à l'heure, là, est-ce que tu avais quand même une petite idée du résultat ou on laisse envisager absolument rien, on te rappelle... Tu as une idée, hein? Ça s'est bien passé? Je pense que ça s'est bien passé. Je dis ça parce que le premier tour, je passais tout seul, parce que c'est une scène à deux. Ouais. Premier tour, je passais tout seul avec un directeur de casting qui te donne la réplique. Ouais. Et là, je passais avec un comédien okay. Qui est aussi dans la shortlist pour l'autre rôle. Okay. Et pour voir si ça allait bien. Voilà. Et donc là, on a on a quelques minutes pour trouver une complicité immédiatement. Ouais. Ouais. Lui aussi. Bon. Et lui aussi. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'on l'a trouvé. Mais après, tu sais, c'est, ça t'échappe. Après, ouais, c'est ouais, comment ouais. on va Exactement. Regarder ça, le réalisateur, et comment toi, après, on ne sait pas ce qu'il a en tête. Donc, est-ce que tu connaissais le comédien qui Non, je ne connaissais pas. Okay. Non. Puis comment ça s'est... Après, quand tu sors de cette rencontre-là, est-ce que tu lui parles? Est-ce que... Alors lui, il a dû partir très vite parce que justement, il fait Avignon demain, donc il part à Avignon demain, donc il avait toutes ses affaires à préparer. Mais on a échangé par SMS et entre nous, on se dit que on pense que ça l'a fait, quoi. Ah ouais, voilà. Okay, et on croise les doigts. Mais est-ce que c'est angoissant attendre 8 jours pour est-ce que ça va t'empêcher de dormir? Vas-tu avoir l'humeur, est-ce qu'il va être modifié suite à ça? Non, au début, il y a quelques années, ça peut faire ça, parce que toi, mais bon, un petit peu avec le temps, après, évidemment, tu as ça en coin de ta tête en disant, j'espère que c'est moi qui vais l'avoir, quoi. Et si je l'avais pas, je serais très, très déçu. Et la déception va peut-être durer 2 jours. Ok, on va passer à autre chose. Et puis après, tu passes à autre chose. Mais comment, lui, t'as vu? Comment ça s'est... préparé comme le réseau, est-ce que c'est un réseau ou si à un moment donné il y avait un agent qui t'a suggéré, comment ça s'est passé? Là pour ce ouais. coup-là, c'est un directeur de casting que je ne connais pas réellement en fait, qui m'a appelé en direct. Donc en fait, il a pensé à mon profil pour ce rôle. Et il connaissait? Et oui, il a dû aller faire des recherches sur moi. Oui, t'as vu à la télévision. Ouais, et il m'avait casté, il m'avait casté il y a un an et demi pour un rôle comme ça, où je devais faire le mari de la comédienne principale. Et donc, je pense qu'il, voilà, le directeur, il fait son boulot, c'est-à-dire ça avait dû lui plaire, il l'a mis dans un coin de ses dossiers. Et c'est flatteur, hein? C'est flatteur. Ouais, c'est super. Il y a tellement de comédiens, quand c'est toi, quand on appelle Olivier, tu te dis, donc pourquoi moi? Comme lorsque tu m'as lancé sur Internet, pourquoi moi, comme si j'allais t'assassiner? Mais c'est ça. C'était une autre joke, quoi. C'était une autre joke, mais... Oui, mais elle était pas mal, celle-là, parce qu'il y en a plein qui sont fait pour pas moi, parce que ça m'intéresse de rencontrer des clients. Ouais. Mais alors, si c'était pour toi quelque chose de... un cadeau, cet appel-là? C'était un cadeau. Et puis c'est vrai que c'est assez agréable quand ça se passe comme ça, parce c'est pareil, le cinéma, la télé, c'est quand même des systèmes assez fermés. Donc, tu vois, il y a vraiment le système des agents, des directeurs de casting. Faut être dans les petits papiers un peu d'un directeur de casting pour qu'il pense à toi. Donc, c'est assez compliqué. Et là, ça s'est fait comme si... Toi, tout était open, quoi. Toi, un gars qui m'appelle sur mon portable et qui me dit voilà, j'aurais de voir pour ce rôle-là, est-ce que tu es disponible jeudi, quoi. Et donc, c'est pas passé par mon agent, c'est pas toi, ça s'est fait. C'est un cadeau, donc c'est peut-être un signe. Peut-être un signe. C'est un présent. Ouais, ouais. Crois-tu à ça? Hein? Crois-tu au signe, au présent? Ouais. On est tous un peu superstitieux quand on fait ce métier. C'est vrai, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que ça tient sur pas grand-chose. Parce que. C'est un métier qui tient au travail, c'est-à-dire vraiment tu vois, au fait de travailler, quoi. Que tu prépares des concerts ou que tu prépares un rôle, il y a un travail en amont. C'est pas un truc qu'on dit beaucoup en France, ça, parce que toi, on aime bien que l'artiste qu'il soit sous le miracle de l'inspiration. Tous les acteurs se font coacher pour un rôle, tu vois, quand ils décrochent un deuxième rôle, il y a du coaching derrière, parce que quoi, arriver prêt, quoi. Ouais. Et pourquoi je dis ça, je sais plus. On parlait de l'appel de l'agent. Oui, et donc c'est il y a la part du travail en amont, il y a la part du ici maintenant, au moment où ça se fait. Ouais. Là où il faut arriver à trouver une détente en soi et une concentration en même temps, et puis en même temps s'en foutre. Et puis il y a une part de chance. Donc c'est là qu'il rentre en ligne la superstition, quoi. Oui, la chance. Ouais. La chance. La chance, des fois, voilà. Mais là, après la radio, tu t'es dirigé à Paris, dans le centre-ville de Paris. Et tu as commencé à jouer la comédie aussi, à te connaître à travers la. C'est pas venu tout de suite. J'ai commencé par faire un atelier de théâtre avec un prof qui venait de l'enseignement de Jacques Lecoq, l'école de Jacques Lecoq. Ouais. Et voilà, ça durait 2 ans, cet atelier. Okay. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire mes premiers concerts. Et puis, j'ai voulu me perfectionner un peu en comédien, donc j'avais pris une école. Et au bout de 6 mois, en fait, j'ai été pris sur un spectacle d'un clown qui s'appelle Jean-Paul Paré, okay. À l'époque. Et donc, j'ai arrêté l'école. Ça, c'est 90 ? Ça, c'est les années 90, ouais. Et j'ai arrêté l'école. De l'école de théâtre que je faisais. Et je suis parti sur le spectacle qui se jouait au Théâtre des Bouffes du Nord et qui partait en magnifique théâtre, peut-être le plus beau de Paris pour moi. Mais... et puis après, on est parti en tournée sous chapiteau. Okay. Et c'était un spectacle génial qui s'appelait Les Animaux Malades de la Piste. Malades de la Piste, ouais. Et donc Jean-Paul Faré est entouré, on était 7-8 clowns musiciens autour de lui, des garçons de piste. Mais en même temps, c'est un métier d'être clown, c'est pas c'est quelque chose. Ouais, alors moi j'avais fait du clown. Tu connais Emma la clown? Emma la clown, bien sûr, je la connais, ouais. Je l'ai rencontré. Ouais, bien sûr. Il y a quelques années. Alors c'était pas du clown, on n'avait pas le nez et tout ça, hein, mais... Et c'était du burlesque. Ouais, c'était du burlesque, ouais. Exactement, okay. Du burlesque. Okay. Et moi j'avais travaillé de clown avec une grande metteuse en scène qui s'appelle Anne Bourgeois, qui est une grande metteuse en scène de théâtre depuis pas mal d'années. Ouais, ouais. Et elle est connue. Voilà, elle est super connue et elle, je crois qu'elle continue son stage de clown de temps en temps. Okay. Et elle doit le faire depuis 25 ans, 30 ans, je sais pas. Ouais, ouais. Et j'avais travaillé le clown avec elle et puis avec ce gars de chez Jacques Lecoq. Donc, parce que c'est quand même un travail sur le corps, sur le masque, sur le clown, sur tout ça. Et enfin bon, voilà, et c'est un... Voilà, j'ai mis le pied à l'étrier avec ce spectacle. Et puis ensuite, moi, je connaissais rien à ce milieu. Je pensais que voilà, le téléphone allait sonner, tu vois. Et puis le téléphone, il n'a pas sonné. Non, ça sonne pas. Et donc, c'est vraiment branché. Ouais, donc je commençais et pendant, je sais pas, 6-7 mois, je me souviens de cette époque, je tournais en rond en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Faut rencontrer qui? Faut faire quoi et tout. Et puis bon, bah, comme la finance commençait à plonger. Je porte dans mes vaisseaux un sang d'encre de Chine. De funestes corbeaux se posent sur ma rétine. Je garde dans mes vaisseaux la trace des sylphides. Je porte dans son tombeau mon agate au burnit. Ce soir mon âme se teinte de cristal. Ce soir mon âme scintille dans l'eau sale. Une flaque de spleen rouge sanguine. Je berce dans ses lambeaux ma belle sibylline. Ses mains et mon anneau posés sur sa poitrine. Je berce dans mes sanglots mon amour qui me guide. Je porte sous les flambeaux mon agate au burnit. Ce soir mon âme se teinte de cristal. Ce soir mon âme scintille dans l'eau sale. Une flaque de spleen rouge sanguine. L'océan, sur notre sofa blanc, j'observe le cortège des sylphides sous la neige. Je te parle, je t'effleure, je dégage ton cou. J'entends battre ton cœur, ma chérie un peu floue. Ce soir, mon âme se teinte de cristal. Ce soir, mon âme scintille dans l'eau sale. Une flaque de spleen rouge sanguine. Ce soir, mon âme dans le ciel boréal. Ce soir, mon âme s'envole au carnaval. Des mandolines rouge sanguine. Des mandolines rouge sanguine. J'étais bossé, j'ai fait un boulot 9 mois pour... Quoi, que j'étais comme boulot. Ouais. J'étais... Quoi, c'est gênant? Non, pas du tout, mais c'était un drôle de boulot. J'étais rédacteur au ministère de la Culture. On était, c'est un open space, ouais. On était une dizaine, et en fait on appelait ça le courrier poubelle. Okay. C'est-à-dire c'était tout le courrier auquel personne ne voulait répondre. Pourquoi? Parce que c'était pas important? Ben, parce que c'était, tu vois, je sais pas, la petite mamie qui demande à la ministre de la Culture, j'ai plus d'argent pour payer ma redevance audiovisuelle, est-ce que vous pouvez me la rendre gratuitement? Enfin, okay. Et à cette époque-là, je sais pas si c'est toujours le cas, l'État était... obligé de répondre à tous les courriers des citoyens. Okay. Donc il y avait toute une masse de courriers qui nous revenaient. Okay. Et je me souviens, il y avait une grande armoire avec plein de lettres types. Très ingrat quand même. Ah, très ingrat, ouais. Mais on se marrait bien parce que c'était tellement ingrat qu'on se marrait bien entre nous. Surtout que les lettres étaient rigolotes souvent. Là. C'était... Ah, bah t'avais des lettres rigolotes, t'avais des lettres de gens qui étaient en colère, t'avais des lettres de gens désespérés, t'avais des lettres par exemple, la corrida c'était tout un truc, les contre, les pour. Donc, Toi, tu répondais à ces lettres. Alors, nous, il y avait plein de lettres types avec des thèmes. Oh, okay, préfabriqués. Et alors, donc, tu disais, ah, ça, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, donc on a cette lettre-là, tu vois. Et donc, ensuite, tu lisais bien le courrier de la personne et tu prenais la lettre préfabriquée et tu l'adaptais à la personne. Parce que sinon... Alors tu ne pouvais pas avoir libre expression, tu ne pouvais pas dire ce que tu... Non, parce que c'est ton courrier, il est contrôlé au-dessus, quoi, par la hiérarchie, et tu vois. Et là, c'est signé, et c'est la personne qui va le lire et signer. Voilà, sinon, signé. Il te revient. Sinon, il te revient avec des ratures, okay. Non, c'est mal formulé, je ne sais pas quoi. C'est un boulot intéressant, je trouve. C'est un boulot intéressant à faire, un mois, quoi, tu vois. Alors l'équipe avec qui tu travaillais ne faisait pas ça longtemps, elle faisait ça juste pour prendre un peu d'argent, puis... C'était un job, quoi. Tu vois, alors après, fallait avoir un minimum de qualité de rédactionnel, quoi, Mais, alors, c'est un peu de création à travers... Oui, alors si tu veux, je me souviens, dans cette équipe, il y avait des gens qui faisaient ça tout le temps. Okay. C'était leur métier, toi, c'était leur vrai métier. Okay. Et puis, il y avait des vacataires. Moi, comme j'étais un vacataire, donc on était 3-4, on était des pièces rapportées pour en renfort, quoi, en fait. Okay. Alors là, tu as travaillé là 9 mois. Là, 9 mois, et puis pendant 9 mois... j'ai préparé un show musical de mon côté. Et puis, toi, j'étais tranquille un peu financièrement pour la tête reposée et j'ai préparé ça. Et ça, c'était en 97. Okay. Et en 97, quand j'ai quitté ce boulot, ça a été mon dernier boulot. Okay. Mon dernier boulot normal, on va dire. Voilà. Après ça, tu t'es lancé Voilà, et puis après je suis devenu avec le système français intermittent du spectacle. Ouais. Ce qui n'est pas un métier, c'est un régime. Oh, et je n'ai jamais. J'ai toujours été intermittent. Depuis je suis intermittent. Alors tu as fait les heures pour l'être. À chaque année, tu fais tes heures pour rester intermittent. Voilà, il faut faire tes heures. Alors tu travailles fort pour trouver des heures à combler. Tous les jours, il faut aller chercher le cachet tous les jours. Ah, alors après le cachet, il y a des jobs que tu fais où c'est vraiment du cachetonné comme on dit. Et puis après ça tu essayes de le réduire au minimum pour ne faire que des choses qui t'intéressent quoi en fait. Et là t'es-tu rendu à l'étape où tu prends ce qui t'intéresse ou tu... Alors moi je suis sur trois trucs. Je suis sur, la fiction audiovisuelle, cinéma, télévision. Je suis sur la musique. Mais là, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait de concert et là, ça commence à me... Ouais, la flamme commence à brûler. À brûler, là. Ah, ouais, il faut, donc, ouais. Donc là, j'écris des textes en ce moment. Ouais, okay. Et je fais de la pub aussi. Ça, c'est payant. Voilà. Je fais de la pub. En tout cas, c'est... Et ça, radio ou... Non, de la pub. Alors, je fais pas de voix encore. Okay. Non, de la pub... film publicitaire, quoi. Okay. Film publicitaire, film institutionnel, un peu de photos parfois aussi. Ok. Là, je travaille avec un grand photographe, j'adore ce gars-là qui s'appelle Dingo. Okay. Je te conseille d'aller voir ses photos, c'est le pape de la photo 2 roues et 4 roues. Okay. C'est Dingo. Ouais, ouais. Et son projet, c'est C'est un photographe, donc là, moi, j'ai fait des photos avec lui pour une bagnole. Okay. Et puis là, j'ai fait une petite vidéo avec lui aussi pour une autre bagnole. Okay. Dingo, c'est D-I-N-G-O. Ouais, ouais, comme le chien de Mickey. Dingo, ouais, c'est ça. Ça, c'est son nom d'artiste. Hein? C'est son nom d'artiste. Okay, Dingo. Ouais, super. Tu vas voir ses photos, tu vas kiffer. Il y a une mise en scène. C'est quelqu'un qui met en scène les voitures. Okay. Donc il a des idées qui partent dans tous les sens. Ah mais c'est intéressant. Ah ça. Ouais, c'est intéressant, c'est super photo, j'espère que... Et toi, est-ce que c'est très payant de faire ça, des photos quand... Ça dépend. Ouais. Il y a eu une époque où, il paraît, les vieux acteurs te diront que la publicité, c'était un truc de malade, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'ils pouvaient se payer une bagnole ou une baraque avec une pub, quoi. Ben, si Pontiac te fait appel pour... Citroën te demande une photo. Citroën, c'est quand même une maison... Ouais, voilà. C'est très variable. Ouais. Vraiment, c'est très variable. Ça ne veut pas dire parce que la maison est prestigieuse que le cacheton va... Voilà, c'est faut pas... voilà, c'est pas des trucs faramineux non plus. Non, hein. Non, il faut relativiser. Voilà, faut relativiser. C'est pour ça que voilà. Citroën est riche, parce qu'il ne donne pas beaucoup d'argent. Mais parfois, c'est comme ça. Hein. Oui. Parfois, c'est comme ça. Parfois, tu es un peu obligé de te battre parce que c'est des grosses marques qui peuvent être les plus radines. Hein. Ah ouais, ben oui. Donc, ben oui. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a de l'argent. Hein. Ouais. C'est de la misère à décoller. Hein. Ouais. Le dollar de la misère à décoller. Mais donc... Donc voilà, toi, je suis un peu sur ces trois tableaux-là. Quoi, et okay. Tu essaies de tracer ton chemin à travers tout ça. Ouais, voilà. Puis c'est intéressant parce que du coup, tu rencontres des gens très, très différents, ouais. avec des projets très différents et des façons de penser très différentes. Ah oui. Ben, les humains, on est tout à fait singuliers. Donc, chaque personne est un univers en soi. Ouais. Mais est-ce que dans tes chansons, qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Alors, ça peut être plein de choses. Bon, déjà, moi, c'est une nécessité. Donc déjà, je peux écrire sans penser à de la chanson. Hein. Okay. Je sais pas si ça va être une nouvelle, un roman. Ouais, ça peut être soit une chanson, soit une poésie. Ok. Voilà. Et parfois la poésie peut devenir chanson et parfois non. Et là, je voudrais faire un album. Je travaille sur un projet de chanson érotique. Okay. Voilà. Comme Pierre Perret l'a fait, c'est un des seuls à l'avoir fait d'ailleurs. Oui, ben oui, c'est pour ça que je nomme Pierre Perret. Après, je mets de côté les chansons, comment on appelle ça, les... Mais quoi que Gainsbourg en a écrit. Voilà, Gainsbourg, un peu Bachoum peut-être. Peut-être. Laquelle? Ben, il y a Madame Rêve qui a une connotation érotique. Ouais. Ou même Ma Petite Entreprise. Mais, érotique, Ma Petite Entreprise? Ah, ben je ouais. pensais que c'était quelqu'un qui avait, tu sais, un musicien qui a sa petite entreprise. Ma Petite Entreprise ne connaît pas la crise. Il y a un double sens. Ah oui? Ah, ouais. OK. Ah, je vais écrire ça parce que je suis un amateur de Bachoum. Ah, ouais. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Oui. Mais il y a un double sens. OK, de l'aube à l'aube, ça peut être la prostitution? Ouais, je sais plus le texte par cœur, mais... Mais c'est qui te l'a dit? Est-ce que c'est Jean-Faulk? Parce que c'est Jean-Faulk qui l'a écrit avec Bachoum. Ouais, c'est Jean-Faulk. Qu'est-ce qu'il me l'a dit? Je sais pas, je l'ai lu, je crois, toi. Tu as lu le texte? Mais moi, quand je l'ai entendu, cette chanson, j'ai tout de suite entendu la connotation érotique de la chanson. Mais t'es pas porté à... C'est de l'acte sexuel, quoi, toi, oui. Ma Petite Entreprise, elle connaît pas la crise. C'était un chanteur ou un comédien, Sa Petite Entreprise ne connaît pas la crise parce qu'elle fait rentrer les sous. Pour moi, il y a les deux, il y a la double lecture. Pour moi, c'est la force de la chanson, il y a la double lecture. Oui, ben, dans toutes les chansons de Bachoum, il y a une double lecture, une triple lecture. Oh, puis une triple, quadruple. Et puis, c'est ça. Donc, toi, c'est te concentrer sur de la musique coquine. Des textes. Voilà, c'est des textes. C'est des personnages dans mes chansons pour ce projet-là. Alors, soit je dis « je », soit c'est un « il » ou... qui sont dans certaines situations. OK. Dans certaines situations érotiques. OK. Et donc, ça peut être très poétique, ça peut être cru, ça peut être trash, ça peut être très sophistiqué. Mais je suis parti dans des délires, des scénarios qui peuvent arriver. Ça peut être très mélancolique. Ça peut être aussi sur l'abstinence ou sur la solitude ou sur le manque de sexe, le fantasme. Voilà, c'est des situations, c'est des scénarios dans lesquels se retrouvent mes personnages. C'est des hommes ou des femmes? Les deux. Okay. Ça peut être des femmes. Yeah. tenu. Que tu me dis tout bas des mots bienvenus. Ne m'épouvante pas, je suis si timide. Je suis si timide. Les mots éperdus. Que tu me dis tout bas. Absolue, ne m'effarouche pas, je suis si timide. Je suis si timide. Les mots si crus. Me dis tout bas les mots inconnus. Ne te dérobe pas, tu es si timide. Tu es si timide.